Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 92. Et aujourd'hui, on se voilera la face en se disant que notre couple est parfait, que notre famille est exemplaire et que nos amis ne sont pas des meurtriers en puissance, puisque nous aborderons le pilote de The Perfect Couple. C'est Guillaume au micro, et pour parler de ce pilote, j'ai autour de moi ma petite équipe de Perfect Friends, à savoir Camille, Armand, Claire et Sarah. Oui. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil, on va ne spoiler que le pilote, et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie. Ding. Et se verra retirer la parole immédiatement. Le pilote de Perfect Couple est écrit par Jenna Lamia, et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors, l'histoire de Perfect Couple se déroule à Nantucket, sur une île de la côte est des États-Unis où les riches se retrouvent pour être en vacances dans des maisons magnifiques. Et dans la famille de Greer Winbury, jouée par Nicole Kidman, qui est une écrivaine de best-seller, l'aîné ou le deuxième, on ne sait plus, se marie. Donc l'histoire commence par une répétition de mariage, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. La veille du mariage, ils répètent. Et malheureusement, cette répétition est entachée lorsque le lendemain matin, alors que tout le monde a bien bu et bien mangé et fait la fête, un cadavre est retrouvé sur la plage et il se trouve que c'est la témoin de la future mariée. Et donc, s'ensuit donc l'ouverture d'une enquête policière pour savoir qui a fait ça, et c'est basé à base de flashback. Alors, commençons par les personnages, et donc le personnage interprété par Nicole Kidman, Greer, comme tu dis, Garrison Winbury. Armand, qu'as-tu pensé de cette brave dame? J'ai eu beaucoup de mal à lire les émotions de Nicole Kidman. Très bien. Que penser de ce personnage? J'ai trouvé ambigu, donc intéressant. J'ai trouvé, on va dire, multifacette, donc intéressant. Après, est-ce que ce personnage m'a ému? Pas tant que ça. Il y a vraiment juste une scène à la fin où on a essayé de me la rendre sympa. C'était plutôt pas mal joué, mais j'aurais préféré la trouver sympa au début de la série pour pouvoir après la suivre et l'aimer et être vraiment intéressé par ce qui lui arrive. Et malheureusement, j'étais un peu genre bon bah j'en fous un peu d'elle. Et à la fin, finalement c'était pas une ordure. Voilà, c'est un peu dommage, je trouvais. Non, juste, on parle que du pilote, hein. Tu parles pas toute la série. Ah, on ne parle que du pilote. Pardon. Ok. Je crois que tu as oublié tout ce que je viens de dire. Alors, je n'aime pas ce personnage. Car à la fin du pilote, je ne l'aime toujours pas. Très bien. Camille, qu'est-ce que tu as pensé de cette... dans le pilote, hein? Dans le pilote, je n'ai vu que le pilote. J'ai trouvé un peu tous les personnages détestables. Ça m'a gêné pour m'accrocher. Le seul que j'ai trouvé assez aimable, c'est le frère aîné, mais c'est un peu une victime quand même. Il est un peu bolossé par tout le monde. Celui qui va se marier, qui est sympathique, il est plutôt mignon. Mais sinon, les autres, en fait, ils sont pas sympas. Et du coup, on n'a pas envie, on s'attache pas à eux, on n'a pas envie de les suivre. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée au pilote. Ok, Sarah. Alors moi, j'ai vu toute la série et je trouve qu'il y a quand même une belle promesse dans le pilote, mais d'une série en somme très classique, qui est un peu dans la lignée de White Lotus ou Big Little Lies, mais en moins bien, parce que les propositions de White Lotus, elle est très forte, c'est très cynique, c'est très drôle. Là, c'est un peu moins drôle. Et Big Little Lies, en fait, les personnages sont très attachants, ce qui est un peu moins le cas dans cette série, comme Camille l'a dit. Mais je trouve que les dialogues sont quand même bien ciselés, qu'ils arrivent à créer un vrai mystère. Et que comme c'est sur une île magnifique, on a un peu envie de voir les coulisses de cette famille qui sont tous très problématiques. Et on voit qu'ils ont chacun des secrets. Et quand même, moi j'ai envie de savoir, je suis allée de cliff en cliff jusqu'au bout. Et je trouve que, sans spoiler la fin, la résolution est très satisfaisante, ce qui n'est pas toujours évident dans les polars. Je comprends, voilà. Mais ma question était, qu'as-tu pensé du personnage de Greer, de Greer? Ah pardon, Greer, elle est assez fascinante quand même, parce qu'on sent que c'est une... Une matriarche qui tient sa famille. Voilà, c'est ça, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Quels sont ses secrets? Après, oui, je pense qu'elle est... Elle fait partie des points de vue, parce que c'est une série très chorale du pilote, mais on la découvre pas vraiment. Pour l'instant, c'est juste une matriarche très désagréable et qui fait peur, quoi. C'est vraiment presque le diable s'habille en Prada. Enfin, elle mène tout le monde à la baguette. Elle est effrayante. Elle veut que tout le monde soit bien habillé. Elle est que dans le paraître, en fait, que dans la présentation. Et après, je pense que l'armure se craquelle d'épisode en épisode pour aller voir quelle est la femme qui se cache derrière ce masque. Oui, Camille. Du coup, même dans le pilote, à mon avis, elle découvre à un moment qu'elle est trompée. Oui, c'est dès le pilote, ça. Ouais. Et qu'elle cache ça, elle le prend vraiment sur elle, alors que n'importe quelle personne se mettrait à pleurer et s'effondrerait. Donc, elle est assez touchante dans ce petit moment-là. Qu'est-ce que alors, vous avez pensé de son mari, justement, ce camion qui s'appelle Tag Winbury, qui est caractérisé, je me souviens, parce que on en parlera dans l'intrigue, mais la façon de caractériser les personnages, ils profitent de l'enquête pour des gens qui témoignent devant des flics pour dire « Ah ben, un tel est comme ça, un tel est comme ça ». J'ai trouvé ça lamentable en termes d'écriture, en train de dire bah, au lieu de montrer des personnages, on va juste prendre d'autres personnages qui parlent d'eux. Et il est décrit comme un homme extrêmement sexy, le mec, le beau gosse à qui tout le monde a envie de coucher. T'as la première scène, il est en charentaise, en jogging, en train d'essayer de dégommer des mouettes avec une balle de golf. Est-ce que vous avez trouvé ça sexy? En fait, c'est peut-être le personnage le moins intéressant de toute la maisonnée. Parce qu'il évolue pas vraiment. En fait, il est juste à parfumer des joints et dire qu'il aime sa femme, mais il couche avec toutes les meufs qu'il rencontre. Mm-hmm. Spoiler. c'est de la backstory. Il évolue pas énormément. Après, je trouve que la scène la plus intéressante, je pense, du pilote sur lui, sur Tag, c'est la scène qu'il a avec son fils. Quand son fils lui demande de l'argent, mm-hmm. et il compare son fils à son bateau. Et en gros, il aime son bateau, mais son fils le déçoit, globalement. Et je trouve que c'est très cruel, et c'est une belle métaphore à ce moment-là, que je trouvais assez fine. Ouais. Bon, toi, Armand, en tant que mal alpha originel, qu'as-tu pensé de ce mal alpha? De qui tu parles? De toi. En fait, j'ai trouvé que l'acteur faisait une belle prouesse, parce qu'il avait effectivement pas grand-chose à se foutre sous la dent, mmh. et qu'il vit quand même pas mal. Mais c'est vrai que oui, à part cette scène avec son fils, qui est horrible, parce qu'à la fois t'as honte, t'es un peu attaché, t'as un mix en fait d'émotions à ce moment-là, parce que ça craint, tu t'as envie d'être à aucune des deux places. À part cette scène-là, c'est vrai que. Et la scène. Ah, mais non, mais du coup, c'est du spoiler, donc je vais pas dire l'autre scène. Oui, le personnage est pas passionnant, quoi. C'est dommage. Mmh. Il est assez cliché, lui, il sort pas oui. de son propre. Oui, en fait, cliché. Il envoie du mystère, mais il n'y a pas grand chose derrière. C'est du faux mystère, en fait. C'est quelqu'un qui se donne l'air mystérieux. Mais au fond, il y a globalement qu'un mec qui profite de l'argent et du succès pour coucher avec des meufs autour de lui et tromper sa femme. Bon. On a vu plus intéressant comme mec. Oui, Camille. Il se donne un air mystérieux, c'est à cause de tous les joints qu'il fume. C'est ça. Mais oui, la scène du bateau où son fils lui demande de l'argent. Moi, j'étais plutôt de son côté. Il avait l'air très très con, son fils. Il n'arrête pas d'avoir de l'argent. Donc, il essayait en fait un peu poliment de dire tu me déçois, mon fils, plutôt que d'être dans le conflit direct en disant non, espèce de bouffon, je ne vais pas donner de l'argent parce que tu vas encore l'utiliser n'importe comment. J'étais d'accord avec lui. Mais c'est scandaleux parce que c'est même pas son argent, c'est l'argent de sa femme. Donc. Oui, aussi. Raison plus. Il aurait pu tout simplement dire c'est pas mon argent, mais bon. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de, j'ai oublié son prénom, je suis désolée, de justement celle qui va se marier, qui va intégrer cette nouvelle famille de Amélia, Camille. C'était ton personnage préféré. Amélia, bah, elle est très sexy. Mm-hmm. Elle aime bien sortir en pyjama. En soutif. En soutif. C'est deux très belles caractérisations, en effet. Mais en fait, je trouve que c'était hyper bizarre sa relation avec son fiancé, parce qu'ils communiquent déjà pas. Ils sont pas encore mariés, ils communiquent pas du tout. Clairement, il y a une scène un peu bizarre où ils s'apprêtent à faire l'amour. On a l'impression que je vais être cru, hein, mais qu'elle veut être prise en levrette. Mm-hmm. Mais en fait, elle le fait pas. Elle bouge juste ses fesses et puis finalement, elle abandonne tout ça en se disant bon bah non, en fait, c'est pas le genre. Mais le pauvre garçon, qu'elle abandonne, c'est lui qui l'a. Si, c'est genre il est pas assez. Qu'elle avait pas très envie, quoi. Elle le trouve pas très sexy finalement. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle voulait pas voir son visage. Elle voulait imaginer quelqu'un d'autre. Comme dans Girls. Et que ça l'aidait à s'imaginer son mec en bad boy, alors que bah si elle est face à lui, elle voit bien que c'est pas le genre de mec avec qui elle est couchée. Alors que moi c'était plutôt je me disais je vais faire une petite levrette de ça, et elle abandonne avant même de lui en parler en disant non mais de manière c'est pas le genre, donc le pauvre garçon n'a aucune chance de se dire, tu sais, il hésite, il fait on fait une, c'est vrai qu'il est un peu perdu, ah non, justement il essaye justement lui de changer de position, et c'est là qu'elle fait non mais t'as rien compris mec, genre fouette-moi, c'est ça qu'elle essayait de lui dire. Ah oui. Et le mec il repart dans un missionnaire classique, très classique, même pas, parce que finalement ils font rien. Du coup elle a plus envie, parce que elle justement a plus elle envie. Voulait. Oui, mais en fait comme elle a pas truc... dit clairement, faisons un truc un peu plus vrai, sexy. Vrai. Donc, les merdes. C'est elle qui parle. C'est texto sa réplique. Mmh. Elle a dit truc dans le. refading. Je ne crois pas. Et Amélia, elle est, je trouve, un tout petit peu trop voix blanche. On a l'impression qu'elle ne connaît pas cette famille. Alors qu'elle est, elle date le fils depuis un certain temps quand même. Elle a dû entendre parler de la mère. Donc elle arrive, on a l'impression que c'est la première fois qu'elle la rencontre. Ce qui est bizarre pour un mariage, je trouve. Où en plus, tu vois bien que dans la famille, c'est très important que tout soit un peu validé, les gendres et les belles-filles. Voilà, ouais, mais... ça, c'est un peu... Et elle vient, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle vient avec ses parents, dont sa mère en plus, qui est en train de décéder et tout. Et ça, peut-être que ça... Peut-être c'est un artifice scénaristique, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils justifient qu'ils ont précipité le mariage. Pour le faire avant que sa mère décède, et que c'est pour ça qu'elle ne les connaît pas. Bon, c'est peut-être aller très très loin pour justifier. D'ailleurs, les parents d'Amélia, ce sont les personnages les plus sympathiques. Oui, ouais, ouais. Presque trop. Il y a quelque chose sur les classes sociales qui est assez intéressant, parce qu'on sent que Greer, elle est là, oh mon dieu, mais ils sont mal sapés, ils m'ont offert un gros panier avec des fruits, elle dit tout de suite, ça s'abonne, jetez ça, c'est horrible, je ne veux pas voir ça. Mais même la bonne est snob, elle fait non. Oui, la bonne est très snob, ouais, ouais. Claire, je vais te passer la parole, parce qu'en précisant que tu n'as pas vu la série, tu nous as entendu parler des personnages. C'est utile. Est-ce que ça t'a donné au moins envie de regarder cette série avec les persos? Ou alors tu t'es dit non, c'est pas possible, quoi. Oui, j'ai envie de voir. Je pense que j'ai surtout envie de voir pour les dialogues, voir les punchlines qui peuvent s'envoyer. Ou des la cruauté, ça m'a intrigué. Okay, je suis très déçu de ta réponse. Bon, passons maintenant à l'intrigue. Alors, je vais vous poser une question très simple. On sent qu'ils sont obligés à mettre un mystère polar, parce que sinon personne ne serait intéressé à ça. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce que si on avait enlevé ce côté meurtre, est-ce que la série ne serait pas juste tombée à l'eau parce que les personnages ne sont pas assez intéressants? En fait, je trouve que ce qui est bien réussi au fur et à mesure des épisodes... Mais on parle que du pilote, hein, oui, pas. Hein. Ouais, mais quand tu dis est-ce qu'ils ont bien fait de mettre un mystère, mm-hmm. pour le coup, c'est compliqué de parler du pilote sans de parler de la suite. C'est une bonne remarque. En fait, ce qui est réussi, mais je suis d'accord que c'est la suite de la série, c'est que ça fait éclater tous les secrets de la famille, ce qui est un peu l'objectif, parce que ça s'appelle Perfect Couple, donc on se doute bien qu'ils ne sont pas parfaits. Mais c'est pas seulement leur couple, c'est leur couple est fondé sur un mensonge, mais tout, en fait. Amélia, en fait, elle est amoureuse du meilleur ami de son mec. Enfin, on se rend compte que personne n'a de relation honnête, que Abby, elle est là que pour l'argent avec le cadet ou l'aîné, on confond toujours, on sait pas qui est l'aîné, qui est le cadet dans les fils de Greer. Et il y a un côté, un petit peu à chaque épisode, on perce un secret, et ils ont réussi à rajouter les flashbacks sur le meurtre sont utiles, en fait, fonctionnent et révèlent aussi quelque chose de la témoin de Amélia. Donc, je trouve que c'est pas un meurtre pour faire un prétexte, au contraire, ils ont vraiment construit l'histoire autour de ça et exploré la part sombre de chacun des personnages à travers, comme ils sont interrogés les uns après les autres au poste. Et je trouve d'ailleurs, on n'a pas parlé du duo d'enquêteurs, exact. Et je les trouve assez originaux, j'aime beaucoup le personnage de la féminin qui vient enquêter, et comme il y a celui qui est déjà là et qui connaît bien la famille, qui n'ose pas trop mettre les pieds dans le plat parce qu'il paye les policiers, il leur paye leurs locaux ou machin, ils font des dons à la police tout le temps, mais elle se dit moi je viens d'ailleurs donc je m'en fous et je peux aller chercher la noirceur, et je trouve qu'elle est, c'est un personnage qui est assez comédie finalement et qui est plutôt pas mal. Très bien, Camille. Je suis d'accord, c'est vrai que la policière elle est vraiment sympa. On s'attache à elle, on a envie d'être avec elle. Après, pour l'intrigue, je pense que Sarah l'a très bien dit, c'est un Big Little Lies, mais en moins bien. En fait, on a l'impression que c'est déjà du recraché, c'est déjà vu. Avec la même actrice, en plus. Avec la même actrice, c'est pas exactement le même rôle. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Oui, parce que c'est sur les secrets, donc effectivement, le meurtre sert à ça. Mais bon, ça fait très... On voit la mécanique. Ok, Armand? Je suis tout à fait d'accord sur le personnage de la policière. Effectivement, c'est une personnage qu'on aime bien dès le départ parce qu'elle est très entière, en fait. Elle est très et elle a un côté un peu sympa, sans prétention, qui fait bien son job. C'est la plus authentique quelque part. Oui et non par rapport à, parce que ta question c'était est-ce que cette enquête policière a été utile pour qu'on s'accroche au pilote. J'ai envie de dire oui et non, parce que moi, sans l'enquête policière, je sais pas bien ce qu'on aurait pu me raconter dans ce pilote. Pour le coup, c'est vrai que c'est intégré et c'est construit autour de ça. C'est pas comme moi avec Lotus où on met juste un shark au début, on met juste tout un. À fait, ouais. Voilà ce qui va se passer dans 6 épisodes. Et puis on en parle rester, plus. Et on en parle plus jusqu'à la dernière minute du dernier épisode. Là, pour le coup, c'est vrai que dans le pilote et même dans la suite, c'est construit autour de. Mais le problème, c'est qu'à la base, moi, de toute façon, cette famille-là, découvrir ce secret, je m'en fous un peu parce que cette famille m'intéresse pas. Je vois pas en fait en quoi cette famille est délirante. Je la vois. Il y a plein de personnages, il y a plein de gens qui se détestent, il y a des problèmes d'argent, il y a des tensions, déjà vu en fait, c'est vrai, déjà vu tellement de fois dans tellement de polars. Donc le polar est effectivement, comme tu dis Sarah, très classique. ni le polar, ni les personnages sont fous. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste quelques bons dialogues et des acteurs qu'on aime bien voir. Il y a des actrices géniales. Mais c'est vrai que, oui, t'as un peu l'impression d'une ressucée. Moi, j'ai eu l'impression d'un mix entre Knives Out et White Lotus, mais où ils avaient, comme s'ils n'avaient pas compris qu'il y avait une satire sur les riches. Et que, en fait, on essaye de t'attacher à des gens riches sans avoir le recul. Parce que dans White Lotus et dans Knives Out, on te montre des riches en te disant regarde, ils ne voient même plus que ce qu'ils ont comme problème. C'est une grosse blague, en fait, ils ont des problèmes de riches qui sont. C'est rien du tout. Et là, en fait, on essaie de te mettre au premier degré des gens qui. Ah, je souffre, ma mère s'intéresse. Mais oui, mais ta mère est une connasse, donc de toute façon, pourquoi ce serait intéressant qu'elle s'intéresse à toi ? Enfin, oublie cette femme qui est toxique. Alors, je vais te poser une question avant, parce que ça a déjà plus ou moins répondu, sans spoiler la fin. C'est vrai que le principe de ce genre de série, c'est découvrir les secrets de famille. Est-ce que les secrets de famille sont suffisamment intéressants pour suivre la série ? C'est-à-dire que la découverte de. Tu veux dire dans la suite des épisodes ? Dans la suite des épisodes. Sans spoiler, est-ce que. C'est suffisamment intéressant pour se dire, okay, on a compris que c'est ça, ils ont rajouté un meurtre parce que aujourd'hui on est bien placé pour le savoir, les prods, les chaînes veulent mettre des meurtres partout. Donc je pense qu'ils l'ont mis parce qu'ils étaient obligés, mais le cœur de la série c'est les secrets de famille. Est-ce que les secrets valent le détour de ces 6 épisodes ? Pour moi, non, parce que j'ai pas découvert des secrets, des personnages si dingues et des secrets si dingues. C'est très honnêtement. On a fini l'intrigue, Claire, nouvelle question. Est-ce qu'en écoutant les intrigues, ça t'a donné ou pas du tout envie de voir cette série ? Allez, dis non. Ça m'intrigue un peu. Mais c'est vrai que... Oui, je vois que ça peut être le genre de série qu'on a déjà tous un peu vu, mais je me dis, un soir, comme ça, sur le canapé, se laisser un peu happer par le mystère et se dire, voilà, je pense que ça peut être une série qu'on regarde. Je vois de quoi tu parles. Je suis dans ces conditions-là, sans en attendre plus. Comme dirait Fiona, c'est une série d'avions. C'est une série d'avions, exactement. Très bien. Ou du dimanche soir. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que la série est extrêmement glamour. L'endroit est magnifique. Les meufs sont... Tu me parlais de Eye Candy, quand il y avait la nana en soutif, elle se balade tout le temps à moitié à poil. Les mecs sont très beaux. Enfin... Tous les vêtements, ils font même le générique, c'est quand même un lip dub où tout le monde danse avec une musique ultra entraînante. Et je trouve que ça participe un peu à la bonne humeur, malgré la satire derrière, de cette série. Ok, alors finissons sur la thématique. Sarah, t'avais l'air bien lancée. De quoi parle cette série ? Ben, je suis pas sûre, mais je dirais que c'est comment l'argent détruit les gens. Mmh. Comment l'argent détruit les familles, plus spécifiquement. Parce qu'à l'origine, tout est un problème d'argent. Dans leur couple, et c'est ça qui font qu'ils ont tous des mauvaises relations les uns avec les autres, et que tout le monde soupçonne tout le monde. Et le crime est lié à l'argent. Et du coup, je trouve que les reveals autour de ça fonctionnent très bien, et sont non seulement surprenants, mais assez bien amenés. Et pour aussi mettre au crédit de cette série, que moi j'ai bien aimé, dans les deux derniers épisodes, et principalement dans le dernier, il n'y en a que 6, je trouve que toute l'équipe de PR, attaché de presse autour de Greer, qui font la presse autour de son livre, de son nouveau best-seller, est très drôle et qui a beaucoup de comédie qui finalement monte au fur et à mesure des épisodes, qui n'est pas forcément présente dès le pilote. Et maintenant, je me retourne vers notre présidente du thème de la thématique, Camille. Est-ce que Sarah a raison ? Je sais pas parce que j'ai pas vu la série. Mais d'après toi, si tu devais dégager un thème juste de ce pilote, est-ce que c'est ça ? Est-ce que en fait c'est une ressucée de Dallas en disant même les riches ils ont chi et les pauvres quoi ? Si je devais parler de la thématique, je me serais plutôt inspiré du titre Le couple parfait. Donc, c'est plutôt autour de la perfection des apparences et de comment ça peut détruire toute une famille. Mais j'aime beaucoup la thématique que Sarah propose. Voilà, vous voyez. Armand ? Tout ce qu'il devait dire a été dit. Oui, je suis d'accord. Après, comme c'est quelque chose d'assez vaste. Et que j'ai déjà vu ailleurs mieux fait. J'ai du mal en fait à. Mais effectivement, c'est quelque chose qui respecte. Même si. Je pense que c'est plutôt. La thématique est plutôt sur effectivement l'argent détruit les gens. Après, oui, il y a ce titre qui est un peu. C'est bizarre, c'est comme s'ils avaient. Ils avaient voulu rajouter une thématique sur une thématique. Ouais, c'est peut-être un problème d'ailleurs. Mais ils essayent de. C'est peut-être un problème. Mais ils essayent de faire les deux honnêtement. Avec plus ou moins de succès, mais c'est vrai qu'il y a une rigueur là-dessus, admettre. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire et la thématique de Camille qui est les apparences, en fait, très rapidement, les apparences sont brisées dès le début. Voilà. Si on m'avait tenu 4-5 épisodes ça. Sur un vrai Perfect Couple. Mais là, on voit dès le début, à la minute 2, on voit qu'il la trompe. Donc pour moi, c'est le titre, il est plus ironique. Et tu sais très bien dès le début qu'évidemment qu'ils ne seront pas parfaits. Donc finalement, oui, évidemment, elle voudrait maintenir les apparences. Ça, et c'est elle très essaye important. Jusqu'à la fin de maintenir ouais. les apparences, quoi qu'il arrive. Mais finalement, j'ai l'impression que toutes leurs relations tournent autour de l'argent. Bon, Claire, c'est ta dernière chance, là. Dis-moi. Tu viens d'écouter quelle est la thématique de cette série ? Est-ce que t'as quand même envie de la regarder ? Alors moi, je suis pas très sensible aux séries qui tournent autour de l'argent, je dois bien l'avouer. Mais si un soir, un dimanche soir, ou si dans un avion ou un yacht... Il y a un obstacle qui se rajoute à chaque fois. Si je suis très malade, que j'ai vraiment plus qu'une chaîne... Non, non, mais vous savez, parfois, on sait pas trop quoi regarder, il y a ce catalogue... Non, mais c'est... Il y a ce catalogue Netflix continue, c'est qui est éternel et sur lequel oui. tu ne sais jamais sur quoi cliquer. Ben, là, je repenserai à ce que Sarah disait et elle m'a quand même donné envie de jeter un œil à cette série et de lui laisser une petite chance parce que j'ai envie de découvrir un petit peu ses secrets. Et comme je le disais au début du podcast, j'ai aussi envie de voir à quel point ils peuvent être méchants entre eux. Voilà. C'est pas gentil d'être méchant. Tour final sur ce pilote, Camille. Ce n'est pas nécessaire d'aller le voir. Et tu regarderas pas la suite ? Non. Ok. Armand ? Alors, comme je disais, ça ne m'a pas happé, mais j'ai trouvé ça sympa malgré tout. C'est quand même largement regardable. Par contre, en fait, si vous n'avez pas vu Knives Out et White Lotus, en fait, regardez plutôt Knives Out et White Lotus, pardon. Et après avoir vu ça, c'est plus vraiment la peine parce que je pense que tout a été dit dans ce film et dans cette série. Totalement d'accord. Sarah ? Alors, moi, j'ai trouvé l'intrigue classique, mais franchement très divertissante, avec des bons retournements de situation, pas mal de glamour, un peu de comédie, et la galerie de comédiens vaut le coup, je trouve, de regarder les 6 épisodes, parce que 6 épisodes, finalement, c'est pas très long. Donc, à part pour certains, peut-être. C'est non, ça. Moi, j'ai bien aimé. Écoutez, moi, j'ai trouvé ça... C'est pas mauvais, hein, c'est juste inintéressant. Comme ça a été dit... En grande partie par Armand, c'est déjà fait 20 fois. Enfin, j'ai l'impression de revoir Dallas, on refait la même chose. Regardez, les riches ont des problèmes. Oui, je sais, ils ont des problèmes. Ah, ils se mentent, oui, les pauvres aussi ils se mentent. Oui. Ah, ils se marient par intérêt. Oui, on le sait, oui, merci. Donc... Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça apporte de plus de revoir Nicole Kidman, encore, faire la matriarche, encore, et puis voir des riches avoir des secrets à gauche, à droite. Oui, bah merci, merci. J'ai vu le pilote, enfin, j'ai eu du mal, ne serait-ce qu'aller au bout du pilote. Quand quelqu'un meurt à la fin, j'espérais peut-être qu'ils vont tous mourir. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans le champagne et qu'ils vont tous crever. Mais non, ils meurent à la fin, quoi. Les 10 petits riches, ouais, exactement. Et c'est vraiment ça. J'ai trouvé cette série, c'est pas mauvais, hein. L'image est très belle, machin, blabla. Mais alors, qu'est-ce que c'est inintéressant, quoi. On passe aux recommandations ou des recommandations, comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Parce que oui, j'ai reçu des lettres de menaces en disant « Vous en faites plus assez ». Bon, d'accord, c'est des gens que je connais, c'est des amis. Enfin, bon, bref. Camille, ta recommandation ? J'ai découvert sur Netflix une série romantique qui s'appelle « Nobody Wants This » avec Kirsten Bell et Adam Brody. Et bah, franchement, je trouve ça super bien. C'est drôle et c'est touchant. Et on croit à leur histoire d'amour et on veut les voir ken. C'est extrêmement bien ponctué. Sarah ? Oui. Moi, j'ai vu Le Robot Sauvage, qui est un film d'animation par les créateurs de Dragon, qui est vraiment très envoûtant, parce que c'est magnifique. Ça se passe dans la nature, comme le titre le dévoile un tout petit peu. Et, avec un robot ? Avec un petit robot naturel. Il lui pousse du mucus sur la tête au bout d'un moment. Et c'est extrêmement touchant. Donc, c'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et c'est vraiment très beau. Ok. Armand ? Alors j'ai vu tardivement Furiosa, le Mad Max après Fury Road. Mad Max 5 quoi. Mad Max 5, c'est ça, qui raconte un peu la jeunesse, l'enfance de Furiosa et tout. Et j'ai trouvé ça assez fascinant, alors que c'est plutôt chronique et peut-être un petit peu long, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de voir, parce que c'est le même réalisateur que les Mad Max, que les vieux Mad Max. Donc c'est George Miller qui a repris son premier Fury Road, qui n'est pas un film parfait, mais qui est vraiment qui renouvelle, qui reprend vraiment aux tripes, tout en restant assez fidèle à sa trilogie de base. Et il continue en fait avec Furiosa. Et j'ai trouvé que le personnage était dingue. Et pour finir, Claire ? Moi j'ai vu la série sur Karl Lagerfeld sur Disney. Ça m'a beaucoup plu, je m'attendais à rien. Et t'as quand même été déçue. Non, on me l'a recommandé et en fait j'ai été agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé les personnages. Et enfin, j'ai été très happée par l'histoire. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.